quatre oreilles, deux cœurs, ils sont présents avec nous ce matin. Vous avez reconnu leur musique, Philippe et Margaret de Beaulieu sont de retour pour un épisode inédit. Bonjour à vous deux. Bonjour Monsieur Cohen. Bonjour Monsieur Cohen. Alors où partons-nous aujourd'hui ? Eh bien nous partons à Fréjus. Fréjus qui est une commune française située dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous en profitons pour saluer le courage dont ont fait preuve des citoyens de Fréjus lors des dernières élections municipales. Et oui, la capitale du Fréjurès qui se prononce Fréjus. Non. Et si. Et elle est située sur la rive de la mer Méditerranée, cité d'accueil du triomphe de Charles Quint. Ah. Fréjus est aussi la base aéronavale qui servit de départ à Monsieur Roland Garros. Bonjour, je m'appelle Christiane. Ouh là là, attendez. Alors d'abord, qui est à l'appareil ? Bah Christiane. Eh ben bonjour quand même Christiane alors. Bah oui. On dit bonjour, voilà. Mais j'ai dit bonjour. Mais oui, mais on a été obligé de vous le demander. Non ? Si. Allô ? Oui ? Allô ? Oui. Je peux parler, docteur ? Philippe. Je peux parler, Philippe ? Mais dis donc, eh ben. Docteur ? Oui. Docteur. Oui. Donc, docteur. Philippe. Docteur Philippe de Beaulieu. Docteur Philippe de Beaulieu. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Christiane. Non mais dis donc. Bah quoi ? Comment bah quoi ? Non mais oh, attends. Non mais... Oui, non mais dis donc, alors, hein ? Mais j'ai rien dit. Oui, on attend madame. Christiane. Oh, dis. Bon, allez. Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Oui ? Bon, oh là là, pardon, madame Christiane. De Fréjus. On dit Fréjus. Oui, vous dites un jus de pamplemousse ? Ah non, moi je dis un jus de pamplemousse. Eh ben voilà. Alors, Christiane, qu'est-ce qu'on peut... Alors, allez-y là, parce que là, il faut y aller. Voilà, mon petit garçon est atteint d'une maladie orpheline dont on ne connaît pas l'origine. Hein. Bah oui. Comment ? Je dis « bah oui, puisqu'elle est orpheline, on n'a pas accès au dossier. » Comment ça ? Eh oui, en effet, je rappelle qu'une maladie orpheline, c'est triste, c'est une maladie dont son dossier est tenu secret pour éviter d'en connaître l'origine. Voilà, merci Christiane. Ah mais pas du tout. Non mais dis donc, oh ! Mais c'est une maladie rare et grave qui concerne trop peu de personnes pour qu'on entreprenne des recherches suffisantes. Non. Dis donc. Ben quoi ? Non, ben pas toi. Ah, et ? Il est atteint du syndrome de Kawasaki. Honda, Suzuki, Toyota. Comment ? Non, mais c'est pour le CSA, madame. Alors, c'est un syndrome terrible et handicapant. Pourquoi ? Ben, le syndrome de Kawasaki, c'est effrayant. Il y a un épaississement du sang, des lésions cutanées. Oui, je sais ça, madame. Merci, je suis médecin. Je demandais pourquoi c'est terrible. Ben, pour tout ça. D'accord. Bon, Christiane, pardon, hein, mais là, on tourne un peu en rond, on se mord la queue, comme dirait Dietfried, enfin, comme ferait Dietfried, mais je le considère parfois, moi aussi, comme mon petit garçon. Sauf que, ouf, il n'a pas, lui, le syndrome de Nagasaki, et de plus, il n'est pas orphelin. Oui, du coup, nous n'avons pas été obligés de le vermifuger, ni de le castrer. Mais mon fils n'est pas orphelin et puis même on ne leur fait pas ça. Non mais madame, on parle d'un chien, pas de votre fils. Il ne faut pas tout ramener à vous, écoutez. Alors attention, votre petit garçon doit conserver sa place de petit garçon. Hein, sinon il va devenir autoritaire et ne plus savoir qui est le chef à la maison. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut toujours le nourrir après ses maîtres. Voilà, merci Christiane. Merci Christiane. Eh oui. Alors, petit proverbe estonien avant de nous, eh bien, quitter. La servante soupire le matin et l'orphelin le soir. Et pourtant, notre Maria, qui s'occupe de la maison et qui est orpheline, ne soupire ni le matin ni le soir. En tout cas, je croyais. C'est vrai. Merci, Marga. Merci, Philippe. Et merci, Yann Chouquet. Merci, Monsieur Cohen. Au revoir, Monsieur Cohen. De rien. C'était les docteurs Philippe et Margaret de Beaulieu pour une consultation inédite. À votre écoute, coûte que coûte, découvrez dans un livre le meilleur des émissions que vous avez pu entendre en 2012 sur France Inter. Ça sort aujourd'hui même, une coédition Cherche Midi. France Inter, ce livre va vous sauver, ce sont eux qui le disent.